l'agonie, livre 2, chapitre 10. Frère aîné, pourquoi garder ainsi Madée là-bas, au Karen? Ainsi s'exclamait Attilia, accourant, tourbillonnante d'étoffes et sonnante de joyaux, vers Attilius qui remua faiblement. Attilia s'assit sur ses genoux, baisa ses joues minces, se tordit à son corps. « Vois-tu, l'impératrice est inquiète, très inquiète. Il faudra tuer Alexander pour conserver la Gabalus. » Elle sauta sur le sol, pirouetta d'un pied, l'autre dans sa main. « Oui, j'aurais voulu voir Madée, qui s'ennuie fort là-bas. Que t'a-t-il fait, Madée, aîné ?» Elle le réembrassa, et en un éclat de rire. « Il le faut voir comme je l'ai vu, se traîner dans sa chambre, et sans distraction autre que de passer à l'atrium, à faire des yeux ronds aux crocodiles et des grimaces aux singes. » Attilius se dressa. « Et quoi ? Tu l'as vu, sœur, Madée ? Tu l'as vu chez moi ? Qui t'y a emmené ? Et comment as-tu connu ma demeure ?» Attilia esquissa un pas, renversa sa gorge, tendit sa jambe juste assez pour découvrir son pied, dont la sandale, sur la mosaïque, fit un claque. Par Abara, très rusée l'Éthiopienne. Un poète a passé dernièrement une nuit avec elle, sur l'ordre d'Antoninus, qui aime à consoler les vieilles. Attilius s'exaspéra. Abara ? Mais pourquoi faire ? J'ai défendu qu'on allât voir Madée en mon absence, et toi-même je t'ai confié à l'impératrice pour rester au gynécée. Attilia rit très fort. Au gynécée ? Mais tu ne sais donc pas que j'appartiens à l'impératrice, que j'assiste aux réunions du Cénaculum, que je suis libre, libre, libre, frère, et qu'il ne tient qu'à moi de donner ma virginité aux Romains. Si cela m'a plu à moi, d'aller voir Madée, qui est jeune et qui sent bien bon. » Attilius se promena de long en large, pendant qu'Attilia s'asseyait sur le trône, cependant un peu confuse de l'accueil extraordinaire du frère, qu'elle n'avait jamais vu ainsi. Alors quelques larmes lui montèrent aux yeux. « Il fallait me défendre sa présence, je n'y serais point allée. Mais pourquoi ne plus m'emmener avec toi ? Il est donc coupable, Madée ? Dis, laisse-le en liberté. » Et elle ajouta, « Pourquoi donc ne t'a-t-il pas dit que je le voyais ? Est-ce que tu ne le vois plus, toi ?» Un silence se fit. « Et ce n'est pas une seule fois que je l'ai vu. La dernière, un homme du peuple qui l'affectionne beaucoup, était avec lui, un nommé Gaël, et nous nous sommes amusés tous trois, non, tous quatre, avec Abara, que j'ai mise de la partie. » Puis, « Je vois que cela te peine, car tu ne me réponds pas. » Effectivement, Attilius, ne répondant pas davantage, restait bouleversé des confidences d'Attilia. Et ce qui l'accablait, c'est que Madée ne lui avait rien dit des fugues de sa sœur à la maison des Karen. « Est-ce toi qui lui as interdit de m'en parler, sœur ? » demanda-t-il à Attilia, qui, aussitôt, bouda. « Moi, je ne lui ai rien interdit. Abara seul a suggéré au janitor de ne pas t'en causer. » Et le janitor a conseillé à Madée de ne m'en rien dire, compléta Attilius, sourdement heureux d'excuser l'affranchi. Et, pour obtenir des confidences plus complètes, malgré un déchirement d'âme, il ajouta « Tu l'aimes donc, Madée, que tu vas le consoler ? Si je le laisse là-bas, c'est que je ne puis le garder ici, c'est que le service de l'empereur ne me laisse aucun répit, et qu'il s'ennuierait davantage à la vieille espérance. » « L'aimer ? » éclata Attilia en se levant. « Ah, l'aimer ! Il est jeune et il sent bon, et il est frais, et certes j'aime à toucher la peau de ses mains et de sa face, très fine. L'aimer, oui, j'aime bien Madée. » Elle resta devant lui, la bouche ouverte, les yeux brillants, voulant ajouter quelques paroles extraordinaires et ne la trouvant pas. Enfin, vivement, « Oh, non pas pour te supplanter, car depuis que la pierre noire a voulu se passer de nous, vous, les hommes, vous ne nous comprenez plus. » Elle s'enfuit, sentant avoir, en son plus profond, soulevé un coin saignant de la passion d'Attilius. «